Il est l'amour infini, sans lequel tu ne peux avancer. Laisse-toi conduire par lui. Sur cette terre, je ne suis qu'argile.